au clavier, qui chante également. À ma gauche, Christian, bassiste. Il chante pas. Qui ne chante pas. Mais ça viendra, on le fera chanter. Hein. Ça viendra.